Bonjour amis auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les titres. Les tambouriniers de Guichora réclament plus de 6 millions de francs qu'ils ont dépensés pour le voyage avec le chef de l'État à Dubaï au mois de novembre dernier. À Changhuzon, l'on vous parlera du non-respect du tarif de transport comme fixé par l'État. Le trajet Changhuzon-Bujumbura est à 16 000 francs. Célébration ce jeudi 5 mai, la journée mondiale des sages-femmes. Les lauréats de cette discipline au Burundi souffraient du chômage. Voilà pour l'essentiel. Alphonse Koubguimana assure la mise en onde. Moïse Misago suit à la présentation. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour. Le manque des données actualisées sur le travail et l'emploi au ministère de la fonction publique est la raison de l'élaboration de la stratégie sectorielle de développement des statistiques au sein de ce ministère. Propos du ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi ce jeudi lors de l'atelier de validation de cette stratégie. Tade Ndikoumana indique que la stratégie permettra de gérer efficacement le secteur travail et emploi. Suivez-le. La stratégie sectorielle vise à faire l'inventaire, disponibiliser les chiffres à jour sur l'emploi, que ce soit sur les fonctionnaires de l'État, est-ce que combien sont-ils, sont affectés où, est-ce que les chiffres doivent être à jour, et même pour les agents civils de l'État, sans oublier le secteur privé, parce que nous avons dans notre ministère l'Office burundais de la main-d'œuvre. Nous devrions, à travers cette stratégie, et le développement des statistiques au niveau du ministère, montrer des chiffres par rapport aux entreprises qui sont créées, les employés de ces entreprises, voir si ces entreprises cotisent pour la protection sociale de ces employés, mais aussi payent les impôts, l'IPR. Et aussi, comme nous avons l'inspection générale du travail et de la sécurité sociale, nous devons avoir la cartographie des entreprises, planifier comment les inspections vont se faire dans chaque entreprise pour pouvoir les appuyer, comme le stipule le code du travail qui est en vigueur actuellement. Aussi, on pourra, avec cette stratégie, on va aussi adjoindre et la digitalisation de la carrière de la fonction publique pour que nous ayons des chiffres par rapport aux fonctionnaires, aux agents civils de l'État à jour, mais aussi pouvoir suivre la dynamique des entreprises, les rentabilités des entreprises privées. Est-ce que l'embauche se fait régulièrement et on devra savoir quels sont les chômeurs, avec quels diplômes, et si besoin, quelqu'un a besoin de travailler, nous devons aussi redynamiser l'Office burundais de la main-d'œuvre comme c'était dans le passé. C'était Dr Tade Ndikoumana, ministre burundais de la fonction publique. Les tambouriniers de Guichora, en commune Guiheta de la province Gitega, réclament le remboursement des frais de plus de 6 millions de nos francs qu'ils ont dépensés dans les préparatifs d'une mission ratée d'accompagnement du chef de l'État à Dubaï en novembre 2021. Toutefois, le ministre des Finances, du Budget, de la Planification économique a, dans sa correspondance du 28 mars dernier, dit au ministre du Commerce, du Transport et de l'Industrie et du Tourisme qu'il s'observe l'absence des pièces justificatives du montant réclamé par ces tambourinaires, n'est-ce pas Gérard Nibigir? Oscar Nshimirimana, représentant des tambourinaires de Guichora en commune Guiheta, province de Gitega, dit qu'ils ont attendu en vain le remboursement des frais engagés pour les préparatifs d'un voyage d'accompagnement du chef de l'État à Dubaï le 8 novembre 2021. Il ajoute que certains tambourinaires pensent que le remboursement a été déjà fait alors que ce n'est pas le cas. Oscar Nshimirimana précise qu'il a été convoqué à Bujumbura et le message qu'il a eu était de présenter les pièces justificatives prouvant les dépenses effectuées pour leur restauration, leur hébergement et leur transport. Et qu'au cas contraire, rien ne prouverait qu'ils ont réellement effectué des dépenses, a-t-il indiqué. Il continue qu'un autre message était de lui faire savoir que ce n'était même pas certain qu'ils ont payé leur passeport. Ce représentant des tambourinaires de Guichora explique qu'il ne savait pas qu'il devrait présenter ces pièces justificatives et que s'il le savait, il les aurait réclamées à l'hôtel, au restaurant et auprès de ceux qui les ont déplacés en véhicule. Ainsi, ils n'ont réclamé que le remboursement des frais qu'ils ont engagés. Et là, ils s'adressent à toute personne habilitée, surtout à ceux qui leur avaient convié à la mission ratée d'accompagnement du chef de l'État à Dubaï et au ministre ayant la culture dans ses attributions. Contacté par téléphone, le directeur général de la culture nous a signalé qu'il y a des démarches qui sont en train d'être faites. Cependant, dans sa correspondance du 28 mars 2022, le ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique a signifié au ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme que, mis à part les copies des passeports de ces tambourinaires, il s'observe l'absence des pièces justificatives du montant qu'ils réclament. Depuis Gitega, Jean Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. Sensibiliser la population en particulier et les jeunes de la ville de Bujumbura en général sur le renforcement des quatre objectifs du développement durable dont la santé, tels sont quelques points qui ont poussé l'association Jewe Slam à organiser des spectacles dans trois communes de la mairie de Bujumbura à partir du 8 juin de cette année. Dans une conférence de presse tenue ce jeudi, Paulin Boulikali, responsable de ce programme à Jewe Slam, explique qu'ils veulent améliorer les capacités d'expression libre et artistique chez les jeunes à travers les activités culturelles et artistiques. Suivez-le. Abel Le Bouja. En gros, ce que nous avons pu aborder comme point, l'objectif est donc de favoriser cette mixité culturelle en créant trois spectacles qui abordent quatre objectifs de développement durable afin de sensibiliser, un, les jeunes de ces quartiers, mais aussi des artistes qui, eux aussi, avant de produire leur création, ont pris le temps de s'approprier ces ODD, les comprendre afin de bien organiser leur message. Nous sommes passés un peu à la médiation culturelle, qui sont des scènes itinérantes que nous avons fait dans les quartiers de Bujumbura pour, un, parler aux jeunes, pour leur parler de ce projet, mais aussi les inviter, les artistes de ces quartiers-là, les inviter à nous rejoindre dans des résidences de création. Ce que les jeunes des quartiers de Bujumbura vont gagner par rapport à ce projet, c'est d'abord, un, la connaissance de ces ODD. Nous en avons ciblé 4, mais après ils vont se retrouver à travers les paroles, les messages des artistes, parce que nous parlons de leur quartier. Et les messages que nous leur proposons sont des messages qui leur permettent non seulement de comprendre les ODD, mais aussi de savoir qu'eux aussi peuvent être des porteurs de messages et aussi des porteurs de changement dans leur société. C'est important que les jeunes de nos quartiers sachent que cette égalité des genres est importante pour que la société marche. Et quand ces jeunes qui seront les futurs décideurs dans l'avenir sont sensibilisés sur ces messages-là, quand ils vont décider, ça sera facile pour eux qu'ils permettent des cohésions sociales facilement, mais aussi qu'ils permettent de mieux développer le pays. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h03, poursuivons cette édition, grogne des passagers qui quittent Changuzo vers Bujumbura, qui se lamentent comme quoi les agences de voyage Tramwex et Gotracom ont refusé de se conformer à la nouvelle tarification du prix du ticket de Changuzo à Bujumbura, fixé à 16 000 francs. Les voyageurs demandent à l'administration sur place et pour le respect du prix fixé par le gouvernement. Au niveau de la province Changuzo, le chef du cabinet du gouverneur demande à ses agences de respecter les prix fixés par l'État, Raymond Moudende. Depuis que le ministère en charge des transports a revu en hausse le prix du carburant, les agences de voyage à Changuzo ont par la suite fixé les propres prix du ticket de Bujumbura à Changuzo ou vice-versa, prix qui a été fixé de 15 500 à 20 500 francs. Et après la nouvelle tarification du ticket de voyage, le ministère en charge des transports a fixé à 16 000 francs comme ticket de Bujumbura à Changuzo et vice-versa. Et cette mesure a satisfait les voyageurs en prêtant son chemin. Ces voyageurs disent que maintenant, la justice a été faite parce qu'ils avaient jugé injuste la récente tarification du ticket qui avait passé de 13 000 francs à 15 500 francs. Maintenant que la nouvelle tarification passe de 15 500 francs à 16 000 francs, ces voyageurs disent que c'est une sorte de correction des erreurs qui avaient été commises. Apparemment, les agences de voyage, quant à elles, n'ont pas été satisfaites par cette mesure. Elles ont d'ailleurs refusé de s'y conformer. Et même depuis ce mercredi, ils avaient arrêté momentanément d'octroyer le ticket de voyage. L'agence Tramwex a en fait continué de travailler ce jeudi, mais en essayant de donner des tickets pour un même voyage et sans escale. En effet, sur le premier ticket, il est mentionné que le passager paye 16 500 francs à partir du bureau de Bweru jusqu'à Mulanzia, et sur le deuxième ticket, on voit que le passager doit payer 4000 francs de Bugarama à Bujumbura. Les passagers disent que cette manœuvre n'a rien changé et n'apporte aucun avantage puisque le prix du ticket reste de 2500 francs. Ces voyageurs demandent à l'administration à la base de contraindre ces agences à respecter les prix du ticket de voyage de Changuzo à Bujumbura. Nakumuryango Pierre Claver, chef du cabinet à la province Changuzo, recommande à ces agences de respecter les prix fixés par l'État. Et l'agence Gotrabcom, qui a fermé son bureau à Changuzo depuis le matin de ce jeudi, avance la raison de manque de carburant. Et sachez que les agences Volcano et Memento ont fermé les bureaux à Changuzo il y a plus de 2 mois. De Changuzo, Raymond Mudende, Radio Isanganiro. Merci Raymond Mudende. Des habitants de la capitale économique Bujumbura se montrent déçus de la hausse des prix du ticket de transport dans un contexte où il y a toujours un manque criant de bus de transport en commun et la pénurie de carburant. Ceux qui se sont exprimés sur les micros de la radio Isanganiro trouvent que cette situation va empirer la vie chère. Ils demandent plutôt aux responsables concernés de tout faire pour rendre disponible le carburant et les bus de transport en commun. Les joueurs habitués de grandes compétitions internationales, l'expérience des entraîneurs de Real Madrid et Liverpool sont certains atouts qui ont aidé ces équipes à se qualifier dans la finale de la Ligue des Champions édition 2022. C'est l'analyse d'un journaliste sportif qui suit de près ce championnat. Alain Mouhigoué fait savoir que la finale entre ces équipes sera bonne du fait qu'elles ont la soif de décrocher le trophée. Suivez-les au micro de Jean-Marie Vianney Nguendakouman. La campagne 2020-2022 au niveau de la Champions League, je dirais que c'est une année spectaculaire du point de vue footballistique pour toute personne qui suit de près l'histoire de la Champions League. Je dirais que c'est un niveau beaucoup plus supérieur à des niveaux qu'on assistait il y a 2 ou 3 ans. C'était rare que dans les phases à élimination directe, on voit le nombre de buts qui sont marqués dans cette édition 2022. Ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que ces équipes ont des ambitions de remporter cette coupe. Tout ça, ça se manifeste au niveau de l'intensité physique, même l'intensité, je dirais, tactique qui caractérise ces matchs. Regardons par exemple pour le cas de Real Madrid. Depuis qu'ils ont été engagés, depuis les 8e de finale, à voir comment ils ont infligé les défaites contre les adversaires, ils ont marqué beaucoup de buts avec des 2 triplés pour Karim Benzema qui fait 10 buts depuis les 8e de finale. Cette campagne, elle a été spectaculaire au niveau de la production du jeu, au niveau aussi de l'évolution du système de coaching. Parce que nous voyons par exemple que le Real Madrid, ils réussissent à se hisser leur tête en deuxième mi-temps. C'est une finale qui fait croiser 2 équipes qui ne sont pas novices dans la Champions League parce que, comme je l'ai dit, 17 finales, 13 coupes, 9 finales, 6 coupes à tel niveau. Vous comprenez que c'est 2 grandes figures européennes sur le plan du football. Plusieurs matchs livrés à l'étranger par la formation Real Madrid a perdu, mais devant ses supporters au stade de Santiago Bernabéu, cette équipe gagne. Quel est votre commentaire? Mon commentaire, c'est quoi? C'est que quand vous jouez à domicile, vous avez ce qu'on appelle le 12e homme. Homme, ça dit, c'est le spectateur. C'est-à-dire, il y a cette communion entre les joueurs, cette communion entre le staff et le troisième niveau qui est les spectateurs. Ce n'est pas la première fois que ces équipes s'affrontent dans la finale. Qu'est-ce qu'on peut entendre pour cette saison 2022 de la Ligue des Champions? Pour la finale, vraiment, qui va se dérouler le 28 mai de cette année, Je pense qu'on va se régaler footballistiquement et que le meilleur gagne pour les 2 équipes. Poursuivons cette édition. Les habitants du quartier Kinyakajaga en zone Rukaram de la commune Mutimbuzi dans la province de Bujumbura réclament à la régie des eaux de leur fournir de l'eau propre. Il vient en effet de passer 2 semaines presque sans avoir de l'eau coulée, sans toutefois voir de l'eau couler dans les robinets. Ils affirment être obligés de se rabattre sur l'eau des puisards de la nappe phréatique ou du lac Tanganyika à l'état, mais pas du tout propre à la consommation humaine. Reportage signé Ornella Mucho. Arrivé à Kinyinya, au quartier Kajaga de la zone Rukaramu, c'est en commune Mutimbuzi, on constate des habitants de cette localité en train de chercher ou puiser de l'eau avec des bidons dans la main. Certains rencontrés tout près du puisard sont entrés d'y puiser de l'eau visiblement sale. L'autre rencontré à ce lieu dit être inquiet d'attraper les maladies des mains sales. À côté de cette pénurie d'eau, ses habitants connaissent le problème lié au manque d'électricité. Ils demandent aux concernés de prendre en main cette question avant qu'il ne soit trop tard. Merci Ornella Mucho. Célébration ce jeudi 5 mai de la journée mondiale des sages-femmes. Augustin, représentant de l'association des sages-femmes, dit que beaucoup d'étudiants qui ont fait cette discipline sont au chômage. Suivez-le. On a plus de 1500 sages-femmes diplômées, mais on a 241 sages-femmes qui sont en fonction selon le rapport de la nouvelle statistique de la direction du système national d'information sanitaire. Au Burundi, en 2019, on avait 7 universités qui ont l'option de sages-femmes. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé qu'on en a 4 qui ont seulement l'option sages-femmes. La raison en est qu'au Burundi, nous avons plus de 1200 sages-femmes diplômés qui sont en chômage. Donc, je pense que les élèves qui terminent leurs études, au lieu de continuer avec la sage-femme pour devenir chômeur, ils préfèrent de suivre les autres professions ou les autres options. Les défis qui sont dans cette profession, je les citerai en 4 ou 3. On a premièrement le chômage. Au Burundi, plus de 1200 sages-femmes sont en chômage. Or, l'Organisation mondiale de la santé recommande qu'il y ait à chaque structure sanitaire 3 sages-femmes pour assurer la prestation des soins. Avec ces chiffres, si on embaucherait dans ces 18 provinces sanitaires du Burundi, c'est plus de 1200 sages-femmes qui sont en chômage. Avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, on dirait que nous avons peu de sages-femmes au Burundi, compte tenu des formations sanitaires qui sont au Burundi. Le deuxième défi, c'est ce qui concerne l'ordre des sages-femmes. Avec le chômage, on n'a pas d'organe de régulation de la profession des sages-femmes. Tout c'est un défi, car les associations du Burundi, membres de la Confédération internationale des sages-femmes, ont des recommandations, des règles qui proviennent de la Confédération internationale, qui ne sont pas appliquées au Burundi, car on n'a pas d'organe qui doit réguler la profession. Troisièmement, c'est le projet de gratuité des soins qui a étudié sur les patientes ou les enfants. On demande à ce que le gouvernement étudie l'autre projet qui doit compléter le projet qui est en cours et doit engager tous ces sages-femmes pour accueillir ou pour faire des prestations de services gratuitement comme le gouvernement l'a recommandé à ses enfants et ses femmes. C'était Augustin Harushimana, président de l'association Sages-Femmes en Action. Et voilà, à 13h13, nous arrivons à bon port. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kouigmana qui était à la manette édition. Moïse Misago, j'étais à sa présentation. Au revoir. Yeah.